Chapitre 14. La mort du grand réformateur de l'Angleterre. De 1533 à octobre 1536. 8-14. Tindal à Vilvoord. Ses travaux. Rogers devient son aide. Le legs de Tindal. La Bible va paraître. Une lumière qui luit devant les hommes. On intercède près du roi pour Tindal. Activité de Poyntz pour le sauver. Poyntz poursuivi par Philips. Fermeté de Tindal. Tout se réunit contre Tindal. Son grand délit. Parole de Tindal. Tindal dégradé. Il est conduit au supplice. Il meurt en priant pour le roi. Demande de répandre la Bible entière. Le roi l'accorde. Conséquence de cet acte. Comment la Bible est reçue. Puissance intérieure de l'écriture. La plupart des réformateurs, Luther, Zwingli, Calvin, Knox et d'autres, se sont acquis ce nom par leurs prédications, leurs écrits, leurs luttes, leurs actions. Il n'en est pas ainsi du principal réformateur de l'Angleterre. Toute son activité se concentra dans la Sainte Écriture. Tindal est moins apparent que les autres organes de Dieu suscités pour relever l'Église. On dirait que, connaissant l'impuissance de l'homme, il se retire et se cache pour laisser agir seule la parole du ciel. Il l'étudie, il la traduit, il l'imprime. Il l'envoie au-delà des mers. C'est à elle à faire son œuvre. N'est-il pas écrit « Le champ, c'est le monde, et la semence, c'est la parole de Dieu » Mais il y a un autre caractère, ou plutôt un autre fait, qui le distingue d'eux. Nous avons à le raconter. Tandis que les nouveaux adversaires de Henri VIII, Paul et le parti papiste, s'agitaient sur le continent, celui que le roi avait si longtemps poursuivi sans pouvoir l'atteindre, Tindal, était en prison à Vilvoord, près de Bruxelles. En vain était-il entouré de toutes parts des épaisses murailles de ce vaste et fort château, Tindal était libre. Il y a une captivité, pouvait-il dire, il y a des liens, mais Christ m'en a racheté, il m'en a sorti. Son sang, sa mort, sa patience à endurer les châtiments et les reproches, ses prières, son obéissance, ont rompu les chaînes qui me serraient si fort. Ainsi Tindal était véritablement libre à Vilvoord, comme Paul l'avait été à Rome. Il se sentait pressé d'accomplir un vœu, fait bien des années auparavant. « Si Dieu me conserve la vie, avait-il dit, je ferai en sorte que même un valet de ferme, qui conduit paisiblement sa charrue, connaisse l'Écriture aussi bien que moi. Le vrai christianisme se démontre par l'attention que l'on donne aux petits. » Il était temps pour Tindal d'acquitter sa promesse. Il se mit dans sa prison à préparer pour les humbles habitants des campagnes de Gloucester et des contrées environnantes une édition où il employa le langage et l'orthographe usités dans cette partie de l'Angleterre. Près de sa fin, il revenait avec amour à la langue de son enfance. Le grand réformateur écrivait dans l'idiome des paysans pour sauver les paysans et mettait pour la première fois des titres aux chapitres de l'écriture, afin d'en faciliter l'intelligence à ses humbles compatriotes. Deux autres éditions du Nouveau Testament parurent encore pendant la première année de sa captivité. Il faisait plus, il avait traduit l'Ancien Testament sur le texte hébreu et allait s'occuper de l'impression au moment de la trahison de Philips. La crainte de voir ce travail perdu l'attristait plus que sa captivité même. Un ami se chargea de l'œuvre qu'il ne pouvait plus faire. Il y avait alors à Anvers, comme chapelain des marchands anglais de cette ville, un jeune homme du comté de Warwick, nommé John Rogers, élevé à Cambridge et âgé d'un peu plus de 30 ans. Rogers était savant, mais soumis aux traditions romaines. Tindal, ayant fait sa connaissance, lui avait demandé de l'aider dans la traduction des Écritures, et Rogers avait saisi avec joie cette occasion d'employer son grec et son hébreu. Le contact intime et constant avec la parole de Dieu accomplit peu à peu en lui cette grande transformation, ce renouvellement total de l'homme qui est le but de la rédemption. « J'ai trouvé dans l'Évangile la véritable lumière, » dit-il un jour à Tindal. « Je vois maintenant la souillure de Rome, et je jette de dessus mes épaules le joug pesant qu'elle m'avait imposé. » Tindal reçut dès lors de Rogers le secours que lui avait jadis donné John Fries, ce pieux martyr dont Rogers devait suivre l'exemple, en endurant le premier sous-mari, le supplice du feu. Les Saintes Écritures ont été écrites en anglais avec le sang des martyrs, si l'on peut ainsi parler. Le sang des Fries, des Tindal, des Rogers. C'est pour cette traduction une auréole de gloire. Au moment de la perfide arrestation de Tyndale, Rogers avait heureusement sauvé le manuscrit de l'Ancien Testament, et il résolut d'en commencer aussitôt l'impression. Cette nouvelle apportée au réformateur dans son donjon de Vilvoorde vint illuminer ses derniers jours et remplir son cœur de joie. La Bible entière, tel était le legs qu'en mourant, Tyndale voulait laisser à son peuple. Il se plaisait dans son obscur cachot à suivre en pensée cette divine écriture de ville en ville et de cabane en cabane. Son imagination lui révélait les combats qu'elle aurait à livrer, mais aussi ses victoires. La parole de Dieu, disait-il, ne peut exister sans persécution, pas plus que le soleil ne peut être sans feu. De quel droit le pape défend-il à Dieu de parler en anglais ? Pourquoi les paroles des apôtres, prononcées dans la langue maternelle de ceux qui les entendaient, ne seraient-elles pas écrites maintenant dans la langue maternelle de ceux qui les lisent ? Tyndale ne pensait pas à prouver la divinité de la Bible par des dissertations savantes. L'écriture tient son autorité de celui qui l'envoie, disait-il. Voulez-vous connaître la cause pour laquelle les hommes croient l'écriture ? C'est l'écriture. Elle est elle-même l'instrument qui, du dehors, porte les hommes à croire, tandis qu'au-dedans, l'Esprit de Dieu lui-même, parlant par l'Écriture, donne la foi à ses enfants. Nous ne savons pas au juste dans quelle ville Rogers imprima la Bible anglaise, grand in-folio. On a nommé Hambourg, Anvers, Marbourg, Lübeck et même Paris. Il fallait des précautions inouïes pour empêcher que les persécuteurs n'envahissent la maison où des hommes avaient la hardiesse d'imprimer la parole du ciel et ne brisassent les presses. Tyndale eut donc la grande consolation que toute la Bible allait être publiée et que les prophètes, les apôtres, Christ même, allaient, après sa mort, parler par elle. Cet homme si actif, si savant, si vraiment grand, dont les œuvres se répandaient au dehors avec puissance, avait en même temps au-dedans de lui une lumière pure et bienfaisante, l'amour de Dieu et des hommes, qui répandait tout alentour de doux rayons. L'intimité de sa foi, le charme de sa conversation, la droiture de sa conduite touchaient tous ceux qui l'environnaient. Le geôlier aimait à lui apporter sa nourriture afin de s'entretenir avec lui, et souvent sa jeune fille l'accompagnait et écoutait avec avidité les discours du pieux anglais. Tyndale parlait de Jésus-Christ. Il lui semblait que les richesses de l'Esprit divin allaient transformer la chrétienté, que les enfants de Dieu allaient être manifestés, que le Seigneur allait assembler son armée en une sainte pompe. La grâce est là, l'été est proche, avait-il coutume de dire, les arbres fleurissent. En effet, des jeunes arbrisseaux, et même de vieux arbres, longtemps stériles, fleurissaient dans les murs même du château. Le geôlier, sa fille et d'autres membres de leur maison étaient convertis à l'Évangile par la vie et par la parole de Tyndale. Quelque noires que fussent les machinations de ses ennemis, elles ne pouvaient obscurcir la lumière divine, allumée dans son cœur et qui luisait devant les hommes. Il y avait dans ce chrétien une force invincible. Plein d'espérance dans la victoire finale de Jésus-Christ, il mettait avec courage sous ses pieds les tribulations, les épreuves et la mort elle-même. Il croyait au triomphe de la parole. « Je suis lié comme un malfaiteur, disait-il, mais la parole de Dieu n'est pas liée. » L'amertume de ces derniers jours était changée en une grande paix et une divine douceur. Ses amis ne l'oubliaient pas. Parmi les négociants anglais d'Anvers, il s'en trouvait un dont l'affection lui avait souvent rappelé que l'amitié est l'assemblage de toutes les vertus, comme parle un sage de l'Antiquité. Thomas Poyntz, dont un ancêtre était venu de Normandie en Angleterre avec Guillaume le Conquérant, avait peut-être connu le réformateur dans la maison de Lady Walsh, qui appartenait aussi à cette ancienne famille. Pendant près d'une année, le négociant avait reçu dans la sienne le traducteur des Écritures et une confiance mutuelle et sans bornes s'était établie entre eux. Quand Poyntz vit son ami en prison, il résolut de tout faire pour le sauver. Le frère aîné de Poyntz, John, qui s'était retiré dans son château de North Hockendon, en Essex, avait, en 1520, accompagné le roi au Champ d'Or, et quoiqu'il ne fût plus à la cour, il jouissait encore de la faveur de Henri VIII. Thomas résolut d'écrire à John. « Très bien aimé frère, lui dit-il, William Tyndale est en prison, et si le roi ne lui accorde son gracieux secours, il sera condamné à mort. Il a vécu 9 mois dans ma maison, et de tous les sujets du roi, il n'en est pas un seul, je le sais, qui ait pour sa majesté un cœur plus vrai et plus fidèle. Quand le pape a donné à sa majesté le nom de défenseur de la foi, il a prophétisé comme Caïphe. Les papistes pensaient que notre prince serait le défenseur de leurs abominations. Mais Dieu l'a fait entrer dans la bonne bataille. Que le roi sache que si cet homme était mis à mort, ce serait pour nos adversaires le comble du bonheur. Si sa majesté se déclare en sa faveur, le Brabant pourra être bientôt affranchi du pape. Intercédez donc auprès d'elle. John ne perdit pas de temps. Il parvint à intéresser Cromwell au réformateur et le 10 septembre 1535, un messager apporta à Anvers deux lettres du vicaire général. L'une pour le marquis de Berkhopzoom, l'autre pour l'archevêque de Palerme, Caron de Lay, président du conseil de Brabant. Hélas, le marquis était parti deux jours auparavant pour l'Allemagne, où il accompagnait la princesse de Danemark. Thomas Pons monte à cheval, il atteint l'escorte à 15 000 de Maastricht. Le marquis lit à la hâte la dépêche de Cromwell et répond « Je n'ai pas le temps d'écrire, la princesse s'apprête à partir. Je vous suivrai jusqu'au prochain relais, dit l'infatigable ami de Tindal. À la bonne heure, répliqua Berkhopzoom. Arrivé à Maastricht, le marquis écrivit à Flegg, à Cromwell, à son ami l'archevêque, président du conseil de Brabant, et remit ses trois lettres à Pons. Celui-ci présenta au président les lettres de Cromwell et du marquis, mais l'archevêque et le conseil de Brabant se montrèrent opposés à Tindal. Aussitôt, Pons partit pour Londres et remit la réponse du conseil à Cromwell en le conjurant d'insister pour que Tindal fût mis immédiatement en liberté, car le danger était grand. La réponse fit attendre un mois. Pons la remit à la chancellerie de Brabant. Chaque jour, ce vrai, ce généreux ami s'y rendait. « On vous accordera votre demande », lui dit le quatrième jour l'un des employés. Pons tressaillit de joie. Tindal est sauvé. Cependant, le traître Philips, qu'il avait livré à ses ennemis, était alors à Louvain. Il s'était enfui d'Anvers, sachant que les marchands anglais étaient irrités contre lui, et il avait vendu ses livres dans le dessein de se sauver à Paris. Mais les prêtres de Louvain, qui avaient encore besoin de lui, le rassurèrent, et restant dans cette forteresse du catholicisme romain, il se mit à traduire en latin les passages des écrits de Tindal qu'il jugeait les plus propres à offenser les catholiques. Il en était là quand la nouvelle de la prochaine délivrance de Tindal le remplit d'effroi, lui et ses amis. Que faire ? Il crut que le seul moyen d'empêcher que le prisonnier ne fût libéré était de mettre en prison le libérateur lui-même. Aussitôt, Philips se rendit vers le procureur général. « Cet homme, dit-il, Thomas Pons, est tout autant hérétique que Tindal. » Deux sergents d'armes gardèrent dès lors Pons dans son logis. 6 jours de suite, il fut examiné sur 100 articles divers. Au commencement de février 1536, il apprit qu'il allait être conduit en prison, il comprit ce qui devait s'en suivre et prit une prompte résolution. Une nuit, les sergents d'armes fermant les yeux, il se sauva et quitta la ville de grand matin au moment où l'on ouvrait les portes. Des cavaliers furent envoyés à sa recherche, mais Pons, qui connaissait le pays, leur échappa, s'embarqua et arriva sain et sauf chez son frère au manoir de Northcandon. Quand Tindal apprit cette fuite, il comprit ce qu'elle lui annonçait, mais il n'en fut point accablé et presque au pied de l'échafaud livra courageusement de rudes combats. Les docteurs de Louvain entreprirent de lui faire abjurer sa foi et lui représentèrent qu'il était condamné par l'Église. L'autorité de Jésus-Christ est indépendante de l'autorité de l'Église, répondit Tindal. Ils lui demandèrent d'être soumis au successeur de l'apôtre Pierre. L'Écriture sainte, dit-il, est le premier des apôtres et le maître dans le royaume de Christ. En vain, ces docteurs romains l'asseyaient-ils dans sa prison? Il leur montrait qu'ils étaient entortillés dans des traditions vaines de misérables superstitions, et ils renversaient tout leur échafaudage. Pendant ce temps, Pons travaillait de toutes ses forces en Angleterre à détourner le coup dont son ami allait être frappé. John aidait Thomas, mais tout était inutile. Henri faisait alors de grands efforts pour faire saisir quelques-uns de ses sujets que leur dévouement au pape avait jetés hors de l'Angleterre. « Couvrez d'espions toutes les routes afin de vous emparer d'eux », écrivait-il aux magistrats allemands. Mais pas un mot pour Tindal. Le roi se souciait fort peu de ses évangéliques. Sa religion consistait à rejeter le pontife romain et à se faire pape lui-même. Quant à ses réformateurs, qu'on les brûle en Brabant, ce sera lui en éviter le souci. Toute espérance n'était pourtant pas perdue. On avait confiance dans le vice-gérant, le marteau des moines. Vaughan écrivit d'Anvers à Cromwell le 13 avril. « Si vous m'envoyez une lettre pour le conseil privé, je puis encore sauver Tindal du feu. Seulement, pressez-vous. Si vous remettez de le faire, ce sera trop tard. » Mais il y avait des cas où Cromwell ne pouvait agir sans le roi. Or, celui-ci faisait la sourde oreille. Il avait alors des motifs spéciaux pour sacrifier Tindal. Le mécontentement qui éclatait dans le nord de l'Angleterre lui faisait désirer de se concilier les Pays-Bas. Charles Quint, même vivement attaqué par François Ier, demandait à son très bon frère, Henri VIII, de s'unir à lui pour le bien public de la chrétienté. La reine Marie, gouvernante des Pays-Bas, écrivait de Bruxelles à son bel oncle, le suppliant de se rendre à cette demande, et le roi était prêt à abandonner Tindal pour plaire à de si puissants alliés. Marie, d'un cœur droit mais d'un caractère faible, cédait facilement aux impressions étrangères et était alors très mal entourée. « Ces animaux, les moines, disait Erasme, sont tout-puissants à la cour de Bruxelles. Marie n'est qu'une marionnette placée là par notre nation. Montigny est le jouet des franciscains. Le cardinal évêque de Liège est un esprit dominateur et plein de violence, et quant à l'archevêque de Palerme, c'est un donneur de parole et rien d'autre. » C'est au milieu de tels personnages et sous leur influence que le tribunal se forma et que le procès du réformateur de l'Angleterre commença. Tindal refusa de se choisir un avocat. « Je répondrai moi-même à mes accusateurs, » dit-il. Voici la doctrine pour laquelle il était mis en cause. L'homme qui rejette l'existence mondaine qu'il a eue loin de Dieu et reçoit par une foi vivante la rémission complète de tous ses péchés que la mort du Christ lui a acquise, est introduit par une glorieuse adoption dans la famille même de Dieu. C'était certes un crime pour lequel un réformateur pouvait mourir avec joie. Tindal parut devant la cour ecclésiastique, août 1536. « Vous êtes accusé, lui dirent ses juges, d'avoir violé le décret impérial qui défend d'enseigner que la foi seule justifie. » L'accusation n'en manquait pas de vérité. L'injuste Mammon de Tindal venait de paraître à Londres avec son nom et sous ce titre, traité de la justification par la foi seulement. Chacun pouvait-il lire le délit dont on l'accusait. Tindal avait ses raisons quand il avait déclaré qu'il plaiderait lui-même. Ce n'était pas sa cause qu'il s'agissait pour lui de défendre, c'était celle de l'Évangile. Un avocat du Brabant lui fort mal soutenu. Il avait à cœur de proclamer solennellement avant de mourir que si toutes les religions humaines font venir le salut des œuvres des hommes, la religion divine le fait procéder d'une œuvre de Dieu. L'homme, dit-il, que le sentiment de ses fautes a troublé, perd toute confiance et toute joie. La première chose à faire pour le sauver est donc de le décharger du pesant fardeau sous lequel sa conscience est affaissée. Il faut qu'il croie à l'œuvre parfaite de Christ, qui le réconcilie complètement avec Dieu. Alors il a la paix, et Christ lui communique par son esprit une sainte régénération. « Oui, s'écria-t-il, mes péchés n'existent plus devant Dieu à cause de la foi. Dieu me déclare à cause d'elle propre à posséder son royaume. Quand un enfant est tombé dans quelque faute, et que son père lui dit « Va, je te pardonne », le cœur de cet enfant est en paix. Et si un charlatan, fût-ce même un prêtre ou un moine, lui disait « Combien veux-tu me donner ?» et j'obtiendrai le pardon de ton père, cet enfant, soyez-en sûr, n'achèterait pas d'un rusé renard ce que son père lui a donné gratuitement. » Tindal avait parlé à la conscience de ses auditeurs, et quelques-uns commençaient à croire que sa cause était celle de l'Évangile. « Véritablement, s'écria le procureur général, comme jadis, le centenier près de la croix, véritablement, cet homme est bon, savant et pieux, mais les prêtres ne voulaient pas se laisser arracher une proie si précieuse. » Tindal fut déclaré coupable de propositions erronées, captieuses, téméraires, malsonnantes, dangereuses, scandaleuses, hérétiques, et fut condamné à être solennellement dégradé, puis livré aux mains du pouvoir séculier. On voulut le faire passer par tous les usages, même toutes les momeries, usitées en pareilles circonstances. Le cas était trop beau pour en rien retrancher. Le réformateur fut revêtu des habits sacerdotaux. les vases sacrés et la Bible furent placés dans ses mains, et il fut conduit devant l'évêque. Celui-ci ayant fait connaître le crime de l'accusé, lui ôta les ornements de son ordre, enleva la Bible au traducteur de la Bible. Ensuite, un barbier, lui ayant rasé entièrement la tête, l'évêque le déclara privé de la couronne du sacerdoce et chassé comme un fils ingrat des héritages du Seigneur. Un jour pouvait suffire pour retrancher de ce monde celui qui en était l'ornement, et ceux qui marchaient dans les ténèbres du fanatisme attendaient l'heure fatale avec impatience. Mais le pouvoir séculier hésita quelque temps, et le réformateur resta encore près de 2 mois en prison, toujours plein de foi, de paix et de joie. « Ah !» disaient ceux qui l'entouraient au château de Vilvorde, « si celui-ci n'est pas un bon chrétien, nous n'en connaissons pas un sur la terre. » Le courage religieux était personnifié dans Tindal. Jamais il ne s'était laissé arrêter par aucune difficulté, aucune privation, aucune souffrance. Il avait résolument rempli la vocation qu'il avait reçue, qui était de donner à l'Angleterre la parole de Dieu. Rien ne l'avait épouvanté, rien ne l'avait abattu. Avec une persévérance admirable, il avait poursuivi son œuvre, et maintenant il allait donner sa vie pour elle. Ferme dans ses convictions, il n'avait jamais sacrifié la moindre vérité à la prudence ou à la crainte. Ferme dans son espérance, il n'avait pas douté que le travail de sa vie ne portât des fruits, car ce travail avait les promesses de Dieu. Cet homme pieux et intrépide a été l'un des plus beaux exemples de l'héroïsme chrétien. Le faible espoir que quelques amis de Tindal avaient conçu en voyant les délais de la justice fut bientôt anéanti. Le gouvernement impérial s'apprêta enfin à exécuter la volonté des prêtres. Le vendredi 6 octobre 1536 devait être le jour qui terminerait la vie misérable mais glorieuse du réformateur. Les portes de la prison s'ouvrirent, la cohorte franchit les fossés et les ponts sous lesquels dormaient les eaux de la Seine, traversa la grande enceinte et dépassa les fortifications. Avant de quitter le château, Tindal, ami reconnaissant, avait confié au geôlier une lettre qu'il destinait à Poyntz. Le geôlier la porta lui-même peu après à Anvers. Elle n'est pas parvenue jusqu'à nous. Le réformateur, arrivé au lieu du supplice, y trouva une foule nombreuse. L'autorité avait voulu montrer au peuple la punition d'un hérétique, mais le peuple ne vit que le triomphe d'un martyr. Tindal était calme. « Je prends Dieu à témoin, pouvait-il dire, que je n'ai jamais altéré, contre la voix de ma conscience, une seule syllabe de sa divine parole. Non, je ne l'eusse pas fait, quand on m'eût donné tous les plaisirs, tous les honneurs et toutes les richesses de la terre. » La joie de l'espérance remplissait son cœur. Toutefois, une idée pénible le préoccupait. Mourant loin de sa patrie, abandonné par son roi, il se sentait attristé en pensant à ce prince qui avait déjà persécuté tant de serviteurs de Dieu et qui demeurait obstinément rebelle à cette lumière divine qui l'entourait de tous côtés. Tindal n'eût pas voulu que cette âme périt par sa nonchalance. Sa charité ensevelissait toutes les fautes du monarque. Il demandait que ses péchés fussent effacés devant la face de Dieu. Il eût voulu à tout prix sauver Henri VIII. Tandis que l'exécuteur le liait au poteau, le réformateur s'écria d'une voix haute et suppliante « Seigneur, ouvre les yeux du roi !» Ce fut sa dernière parole. Cela dit, le bourreau l'étrangla et les flammes consumèrent la dépouille du martyr. Son dernier cri fut porté jusque dans l'île britannique et répété dans toutes les assemblées des chrétiens. Une grande mort avait couronné une grande vie. Tel est, dit le vieux chroniqueur John Fox, l'histoire de ce fidèle martyr de Dieu, William Tindal, qui, vu ses travaux et ses souffrances, doit être appelé l'apôtre de l'Angleterre en ces derniers temps. Son peuple profita de l'œuvre de sa vie. Déjà en 1526, plus de 20 éditions du Nouveau Testament de Tindal avaient été répandues dans tout le royaume. D'autres y étaient dès lors arrivées. C'était comme un fleuve, le Rhin ou l'Escaut, qui apporte sans cesse à la mer des eaux nouvelles. La mort du réformateur les tarirait-elle subitement? Non, une plus grande œuvre encore devait s'accomplir. La Bible entière était prête, mais pourrait-on la répandre? Le roi avait refusé son consentement à la circulation de la Bible de Coverdel. Ne ferait-il pas ici de même, et à plus forte raison? Un puissant protecteur pouvait seul assurer la libre circulation des Écritures. l'imprimeur Richard Grafton arriva à Londres pour demander la liberté de mettre en vente le précieux volume et avec l'intention de s'adresser à Cranmer. Cranmer le protégera-t-il? Le roi et Cromwell s'étaient prononcés contre Tyndale et le primat avait laissé faire. C'était assez sa coutume. Son esprit, essentiellement prudent, la conviction où il était qu'il ne pouvait faire du bien à l'Église que s'il conservait la place qu'il occupait, peut-être son amour de la vie, le portait à céder à la volonté despotique de son maître. Tant que Henri VIII était sur le trône d'Angleterre, Cranmer, nous l'avons dit, était humainement parlant le seul réformateur possible. Un Jean-Baptiste, un Knox, eussent été brisés du premier choc. Le sceptre était alors une hache. Pour sauver sa tête, il fallait la baisser. Le primat baissa donc souvent la sienne. Il se cachait pendant la colère royale, mais l'orage passé, il reparaissait. Le primat fut la victime d'une erreur. Il avait dit que le roi devait commander dans l'église, et chaque fois que l'ordre du tyran se faisait entendre, il paraissait croire que Dieu lui-même lui ordonnait d'obéir. Cranmer fut l'image de son église qui, sous le poids de ses grandeurs et avec bien des faiblesses cachées sous son manteau, a toujours pourtant porté en elle un principe puissant de vérité et de vie. L'imprimeur Grafton parut devant l'archevêque à Ford dans le Kent. Il lui présenta la Bible du martyr et lui demanda d'en procurer la libre circulation. L'archevêque prit le livre, l'examina et en fut ravi. La fidélité, la clarté, la force, la simplicité, l'onction, tout se trouvait dans cette traduction admirable. Cranmer avait beaucoup d'entrain pour proposer ce qu'il croyait utile. Il envoya le volume à Cromwell en lui demandant de le présenter à Sa Majesté et d'obtenir d'elle la permission de le faire vendre jusqu'à ce que nous, évêques, ajouta-t-il, nous parvenions à publier une meilleure traduction, ce qui, je pense, n'arrivera que le lendemain du jugement dernier. Henri parcourut le livre, le nom de Tyndale ne s'y trouvait pas, et la dédicace adressée à Sa Majesté était fort bien faite. Le roi, regardant, et non sans raison, la Sainte Écriture comme l'engin le plus puissant pour détruire le système papal, crut que cette traduction l'aiderait à émanciper l'Angleterre de la domination romaine, et prit une résolution inattendue. Il autorisa, dans tout le royaume, la vente et la lecture de la Bible. Prince inconséquent et bizarre, il faisait à la fois publier, imposer dans tout le royaume les doctrines du catholicisme romain et y répandre sans obstacle la parole sainte qui les renverse. On dirait que le sang d'un martyr, précieux aux yeux du roi suprême, ouvrit à la Sainte Écriture les portes de l'Angleterre. Cromwell ayant averti l'archevêque de la décision royale, celui-ci s'écria « Ce que vous venez de faire me cause plus de joie que si vous m'aviez donné 1000 livres sterling. » Les fruits que cette sainte écriture portera dans les temps futurs manifesteront l'importance de l'acte que vous venez d'accomplir. Soyez sûr, my lord, de la récompense de Dieu et du souvenir perpétuel de la postérité. Il y avait déjà des siècles que le peuple anglais attendait une telle permission. Cela remonte jusqu'avant Wycliffe. Aussi la Bible se répandit promptement. On eût dit toutes les portes d'une vaste écluse se levant à la fois en ayant l'impétuosité avec laquelle les eaux vives se précipitaient et entraînaient tout ce qu'elles rencontraient sur leur passage. Ce grand événement, plus important que les divorces, les traités, les guerres du roi, fut la prise de possession de l'Angleterre par la Réformation. « C'était une chose merveilleuse à voir, dit un ancien historien. Quiconque en avait les moyens achetait le livre et le lisait ou le faisait lire par d'autres. » Plusieurs personnes âgées apprirent l'ABC pour étudier la Sainte Écriture de Dieu. Il y avait en divers lieux des séances de lecture. De pauvres gens réunissant leurs économies achetaient une Bible et se retirant dans quelques parties reculées d'une église, ils s'y formaient modestement en cercle et lisaient entre eux le Saint-Livre. Une foule d'hommes, de femmes, de jeunes gens, dégoûtés de la pompe stérile des autels et du culte des images muettes, se groupaient autour d'eux pour savourer les précieuses promesses de l'Évangile. Dieu lui-même parlait sous les voûtes de ses vieilles chapelles ou de ses antiques cathédrales, où n'avaient retenti longtemps que des messes et des litanies. Ils voulaient, au lieu des chants criards de leurs prêtres, entendre la douce voix de Jésus-Christ, celle de Paul, de Jean, de Pierre, de Jacques. Le christianisme des apôtres reparaissait dans l'Église. Mais avec lui revenait la persécution selon cette parole du maître. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Un père, irrité de ce que son fils, jeune encore, se joignait à cette sainte lecture, le saisit par les cheveux et lui attacha une corde au cou pour le pendre. Mais Dieu fut le plus fort. Dans toutes les campagnes et les cités de la patrie de Tindal s'ouvraient les pages saintes, et les lecteurs ravis y trouvaient les trésors de paix et de joie qu'avait connus le martyr. Plusieurs s'écriaient comme lui « Nous savons que cette parole est de Dieu, comme nous savons que le feu brûle, non pas qu'un autre nous l'ait dit, mais parce qu'un feu divin embrase notre cœur. Ô éclat de la face de Moïse, ô splendeur de la gloire de Jésus-Christ, qu'aucun voile ne recouvre. Ô puissances intérieures de la parole divine qui nous oblige avec tant de douceur à aimer et à faire. Ô temple de Dieu au-dedans de nous, dans lequel le Fils de Dieu habite. » Tindal avait voulu mettre le feu sur la terre par la parole de son maître, et ce feu était allumé. La dissémination universelle de toutes les saintes écritures est une époque importante dans la réformation de l'Angleterre. Il y a là comme une de ces colonnes qui séparent un territoire d'un autre, et c'est près d'elle que pour le moment nous suspendons notre marche et nous reposons quelques instants pour tourner ensuite nos pas vers d'autres contrées. Fin du livre 8. Enregistré par Christiane Johanne.